Ok, TKN 3, générique 3, nigga. Ok, yeah. Gros masque à gaz, prends ton casque à rail. Ils jouent les cailles, hors des batailles. Tu veux la maille, faut te préparer. Dans trop de vie, 5 heures se laisse s'égarer. J'serai le dernier, faut se jurer. TKN 3, faut pas chercher. Aveuglé par le danger, combien tu rêves pour se sauver. Dans mon omerta, j'ai été victime. J'ai plaidé coupable, j'suis sur le ring. En mode étalé, promesse envolée. Humour décalé, ça pouvait durer. Mais Cupidon est chaud comme la braise. Et le silence amène sa fraise. On reste étourdi, sentiment engourdi. Le temps efface les souvenirs, les regrets s'alourdissent. La poésie, écrite par le verre. Des bouteilles cassées, bienvenue en enfer. Si la douleur est mienne, la vengeance est tienne. Ne m'épargne pas, c'est la rengaine. Des paroles de fou, tu oses débiter. Mais on te connaît, t'es juste soifé. Non plus peur de rien, après le dernier verre. J'oublie les caïds, prépare ton cimetière. J'suis au fond du Banks, œil de lynx. J'ai tout vu, je n'ai rien retenu. Un côté joueur qui ouvre des portes. Compte pas sur tes potes, ma confiance escroque. Tu te dis vouloir défourailler, mais on est boupé, enfoiré. Des bagatelles, toutes leurs histoires. Je vis dans le noir, je viens du star. On a tous connu plus d'un chien. Silencieux, je fume une plante, je me promène à Gênes.